je dois faire le premier pas. Je dois faire le choix, suivre ma route sans regarder derrière moi. Je cherche la voie, la force intime qui me donnera la foi, qui me permettra de faire ses pas, ce premier pas jusqu'à toi. Je m'élance, je m'avance, je danse sur ce fil. Je m'avance, je m'élance, en transe et fragile. Je m'élance, je m'avance sur ce fil qui se balance. Je sais que là-bas tu m'attends, et je fais ce pas vers toi. Attends-moi. Je m'élance, je m'avance, je danse sur ce fil. J'inspire la peur de l'inconnu sous mes pas. Même si ces doutes parfois m'oppriment, il faut passer au-delà, faire ce premier pas, quoi qu'il en coûte, pour arriver jusqu'à toi. Je m'élance, je m'avance sur ce fil qui se balance. Attends-moi. Je m'élance, je m'avance, je danse sur ce fil.